c'est illégal. Plus dans le bunk qu'à la maison. J'écoute du DJ Rice. Pas conscient qu'il y a potion. Tu voudrais que je m'écarte, mais le temps passe, c'est ma mission. C'est ratatatata. J'ai des potes à fleurir. Je vois tes registres. Et derrière la vie de Santa, c'est mafieux, c'est logique. Et l'amour, je crois que c'est dead. Mon cœur n'a plus de réseau. Dans les clés, je cherche la paye. C'est mafieux, c'est logique. La valise, le butin, tout content. Toi tu tires, pour mon père, t'as raté. Faire du bif, mon métier, j'suis rentable. Toi t'es bon qu'à jalouser. Sur ma vie, plaisantin, hey hey. Tu sais la street, y'a pas de limite. J'me sens bloqué la nuit quand y'a pas d'ascenseur. Dans un plan, je dois me refaire. Gros, j'ai pas sommeil. Sur mon bed, j'ai la patate. On coupe les ponts, c'était chelou. Grosse équipe qui fait le ménage. Tu sais la street, y'a pas de limite. J'me sens bloqué la nuit quand y'a pas d'ascenseur. Parking fait le bon mélange. La haine se trouve dans le cello. Bénéf, on veut plus s'aimer. Les tirs remplacent les mélos. Devant la broque du nid. Ce soir, je repars sans toi. Quand je tirerai dans le mille pour atteindre ton cœur. Donne tes chiffres et je pars demain. L'oseille m'éloigne de toi. Ça passe vite sur ma Audemars. Le temps est en déclin. On sait pas ce qu'il fait demain. Des cicatrices dans nos vies. Gros flingue, le bon collage. J'ai perdu cette envie. La valise, le butin, tout content. Toi tu tires, gros menteur, t'as raté. Faire du bif, mon métier, je suis rentable. Toi t'es bon, pas jalousé. Sur ma vie, plaisantin.